Soirée tranquille. Juste moi, un feu de camp. Et trois mecs full stuff qui savent pas viser. C'est parti. J'ai mis le steak sur la grille, toi t'as mis ton AK. Mais y'a que mon lance-flamme qui s'est chauffé l'ambiance. Viewer en émote, pendant que ça brûle, la base flambe. T'as confondu fun et ridicule. J'tourne en slip, flingué de bandoulière. Toi t'as farmé 6 heures pour finir en lumière. Un clic, une vanne, le rideau crame. Bienvenue à l'arrêt des skills, flame jam. Croyez safe ton petit coin. Désolé mec, barbecue surprise. Tourne le feu, j'arrose le loup. Un cri, un bug et t'as plus de route. Tête improvisée dans ton bunker. Trop tard pour fuir, t'as grillé ton joker. Tourne le feu, c'est Rust l'été. Raider skill débarque pour tout fumer. Même les viewers chantent en tendance. On raid en rythme la cadence. T'avais des pièges, j'avais du style. J'ai ri en voyant ton arbalète fragile. T'as confondu défense et décoration. Tandis que moi j'ai lancé une vraie mission. Grillade de noobs, sauce explosif. Même la tourelle a baissé l'objectif. L'été c'est fait pour chill ou pour cramer. Moi je fais les deux sans trembler. Tourne le feu, j'arrose le loot. Un cri, un bug et t'as plus de route. Faites improviser dans ton bunker. Trop tard pour fuir, t'as grillé ton joker. Tourne le feu, c'est Rust l'été. Raider skill débarque pour tout fumer. Même les viewers chantent en tendance. On raid en rythme la cadence. T'as senti le vent tourner. C'est pas le climat. C'est Raider Skill et son stream. Les loot explosent sous les blagues. T'as farmé pour moi, merci pour les steaks. Chaise longue, raid et public en feu. L'été sur Rust, c'est Raider Skill. Les loot explosent sous les blagues. T'as farmé pour moi, merci pour les steaks. Chaise longue, raid et public en feu. L'été sur Rust, c'est Raider Skill, mon vieux.